les gens pessimistes ont le regard triste, le teint livide et le dos voûté. Rire de toutes choses et voir tout en rose, il n'y a rien de meilleur pour la santé. Le secret du bonheur dans l'existence, c'est de prendre la vie du bon côté, d'accepter le destin content d'avance, toujours joyeux sans rouse pétée. Faire des corvées, des marches militaires, ou récolter 4 jours par l'adjudant. Quand on veut vivre heureux, faut pas s'en faire, et ça fait toujours passer le temps. Dans la capitale, c'est un vrai scandale, sous les roues des taxis et camions. Les piétons succombent, c'est une hécatombe, mais il faut se faire une raison. Le secret du bonheur dans l'existence, ce n'est pas de tomber n'importe où, mais de se faire écraser avec prudence, toujours sur un passage à clous. Faut voir se dire l'auto qui vous balance, et dans son tort indiscutablement. Ça ne prolonge pas d'une heure votre existence, mais on meurt le cœur plus content. Il y a des fanatiques de la politique qui se figurent que la prospérité, l'aise ou l'abondance tiennent à la nuance ou au nom de la majorité. Le secret du bonheur dans l'existence, c'est de ne pas s'en inquiéter et de payer ses impôts sans résistance pour faire plaisir aux députés. Savoir qu'un jour ils seront millionnaires et que leurs voisins, leurs amis, leurs parents sont tous ambassadeurs ou fonctionnaires, ben ça fait toujours passer le temps. Quand on veut vivre heureux, faut pas s'en faire, et ça fait toujours passer le temps.